Force ennemie, troisième partie, chapitre 5, deuxième partie. Nous rentrons à bord, déjeunons sur le pont, sous la tente de toile à voile que rend nécessaire le trop beau soleil des Antilles, nous intéressant à ce qui se passe sur les dunettes et tillacs des navires mouillés auprès de nous. Il fait bon sur la rade, en plein bleu, avec la vision féerique de l'île voisine. Bientôt, une nouvelle provenant des bureaux du consignataire me charme au-delà du possible. Comme il n'y a, décidément, plus rien à glaner dans le port de Saint-Pierre, l'Augustine Bourdon quittera demain le mouillage pour se rendre à Miragoané, Haïti. Je trouverai sûrement un peu après la tombée de la nuit l'occasion que je cherche. Et demain, tandis que je jouerai des jambes sur les routes ombragées de manguiers et de sabliers, allègrement empanaché de palmes volantes, l'équipage du trois-mâts aura autre chose à faire qu'à me chercher. Larguant des voiles, en carguant d'autres, chargeant les bras au vent, par les folles risées dans l'azur du large. Je ne m'étais pas trompé. Messieurs les fournisseurs, curieux et autres sportsmen, pour lesquels le pont d'un voilier est un champ de manœuvre tout indiqué, ne sentent pas leur ardeur visiteuse refroidie par la tombée de la nuit. Pendant le dîner, vers 7h30, avant le lever de la lune, retentit de nouveau, lancé de la plage, le cri tant de fois entendu dans la journée. « Augustine Bourdon, oh !» Comme je m'y attendais, tout le monde proteste cette fois. Depuis les marins installés à l'avant jusqu'au capitaine qui, attablé près du mât d'Artimon, finit son plat de cribiche, crevettes roses comme de petites écrevisses, et surveille déjà sa cafetière, russe ou autre. À l'immense stupéfaction de Lokoat Magerbast Mélène, qui me sait fainéant et ennemi des corvées, je me lève sans trop d'empressement, mais avec décision. Et, à ceux qui me reprochent d'encourager les ennuyeurs, j'adresse cette réplique inattendue de ma part. « Oui, c'est toujours comme cela. On ne veut pas répondre le soir. Et puis, le lendemain, on s'en repent. C'est peut-être quelque chose de très grave que l'on veut nous faire savoir. What ? Un simple baladeur qui n'a pas encore son petit effet de nuit sur rade dans sa collection. Enfin, du moment que vous ne vous dérangez pas, que vous importe, je crois plus prudent d'aller voir. Vous allez nous foutre au plein ou capoter avec la yole. Pour cela, non. Je suis mauvais marin, mais je canote comme feu banc à coulisse lui-même. Ça, c'est vrai, grogne le Coat Mavergast Mélène. Ces sales parigots, c'est tout le temps à naviguer dans les espèces de boîtes à savon entre la morgue et l'opéra. Mais ce n'est pas le moment de relever des erreurs géographiques, même grossières comme celle-là. Le capitaine me laisse aller, c'est le principal. Il fera un autre jour ses excuses au maire du 9e arrondissement. La nuit est d'un splendide bleu sombre velouté. Les étoiles semblent sourire à leurs images dans l'eau calme. Je descends rondement l'échelle, détache le you-you, et, sur un liquide ciel nocturne, où des rayons d'astres, par un frisson de houle, zigzagant brusquement comme des éclairs, je nage vite, vite vers les accords. J'ai aperçu mon crieur, qui répète son appel infatigablement, jusqu'à la seconde où l'étrave de la barque touche terre à 1 mètre de lui. C'est un vieux monsieur très noir, de physionomie respectable et paterne. Il me sourit bénignement au clair d'étoile. Je lui tire mon chapeau et lui dis avec une extrême politesse, « Vous seriez infiniment bon, monsieur, de m'attendre 5 minutes. Je suis chargé par le capitaine d'aller chercher 2 litres de rhum chez madame Cambise, en face de la gendarmerie du mouillage. Allez, allez, mais faites vite, mon cher. Il faut que je voie votre capitaine pour une affaire incroyablement sérieuse. Je suis Missier Sélénis Inzinor, chante la basse taille gutturale du bon vieux, une voix importante d'orateur pour conseils municipaux. La place du marché traversée, une rue montée, je me trouve dans la verdure, un peu oppressée par de chaudes et trop suaves odeurs de serre. Je ne pense plus au brave monsieur Sélénis Inzinor. C'est très joli de me trouver libre, à terre, dans la colonie où ma petite princesse est venue en convalescence. Mais je n'ai plus que 100 sous et ignore où je coucherai. Il ne faut pas songer à camper à la Belle Étoile, dans une île où les serpents, des bothrops lancéolés, aiment, paraît-il, à faire leur petit tour par les nuits sereines. Je marche longtemps, un peu au hasard, sous la voûte feuillue, débouche sur une large route, et, abruti de fatigue, ne songe plus, pour le moment, qu'à demander un coin où dormir dans la première case venue. En voici justement une dont l'apparence est inviteuse. Le toit disparaît sous les plantes grimpantes, maintenant bleuies de lune. Et les minces piliers qui soutiennent l'auvent de la galerie basse sont enguirlandés de longues grappes de fleurs. Toute la maisonnée, de braves noirs à figures ouvertes et rieuses, m'accueillent comme un camarade. On est hospitalier à la Martinique, et c'est à qui me versera une tasse de café ou une goutte de rhum, me servira une grande assiettée de court bouillon poisson ou de soupes habitants au gombo et au pois d'Angole. On ne me demande ni ce que je fais dans le pays, ni mes intentions futures. On m'installe proprement pour la nuit et je m'endors, tandis que mes hôtes chantonnent tout bas ou causent entre eux à petit bruit. Au matin, après avoir insisté pour me faire déjeuner, le maître de la case avise mon couteau pendu à ma ceinture par un bout de fil carré et qui est sorti de ma poche. Il prend un air mystérieux et me fait une assez copieuse allocution en créole. Comme je ne comprends pas bien, il se donne la peine d'avindre son français des jours de gala et me tient le petit discours suivant. Coutola est bavard. Il dit vous avez foutu camp d'un bateau. Oh, ça, pas bien dangereux. Vous n'êtes pas marin l'état. Alors les gendarmes, grosses bottes, ils vont pas courir après vous. « Mais vous avez pas de l'argent en pile, n'est-ce pas, mon cher ? Suis pas riche, moi, mais il y a toujours une vieille pièce 10 sous pour les collègues en m'aider. » Il gagne 2 francs par jour et a 7 enfants. Et après une petite lutte, il faut bon gré mal gré que j'empoche les 50 centimes. Je fais semblant de rire, mais je crois que je n'ai jamais été aussi reconnaissant de ma vie. Comme on l'a dit souvent, l'intention est tout. Et ce n'est pas fini. Avant de me mettre en chemin, je dois encore décrocher Mabouya. Le Mabouya est un mystérieux et, du reste, imaginaire lézard dont on a parfois la gorge obstruée, le matin, aux Antilles. Ce saurien est fort méchant. Et, pourvu de terribles griffes, s'accroche impitoyablement aux parois du pharynx de ses victimes. Rien ne peut lui faire lâcher prise, rien, sinon un fort coup de rhum. Quand le Mabouya est décroché, il est élégant d'envoyer gendarme. Envoyer un gendarme, c'est avaler une bonne goutte du déjà nommé rhum, puis se rafraîchir la bouche avec une gorgée d'eau qui doit suivre immédiatement l'alcool. Enfin, me voici en route, après avoir serré la main de Cicéron Fanfan, mon hôte. Je crois qu'il n'y a pas, au monde, de meilleure population que celle de la Martinique, blanche, noire ou mulâtre. Vais-je me diriger sur Fort-de-France ou commencer par demander où se trouve la femme du gouverneur de la Guadeloupe qui doit être connue? Les deux idées ne valent pas grand-chose. Il aura été inutile à Irène d'aller aussi loin que Fort-de-France pour trouver le bon air. Toute la colonie est admirablement saine, deux ou trois points exceptés, et si je parle de la conjointe d'un grand Manitou colonial, moi, vagabond mal équipé, je puis devenir suspect. Puis une obscure intuition me porte à retourner à Saint-Pierre. Le plus sage n'est-il pas de me fier à la veine qui m'a si bien servi jusqu'ici? La petite pièce d'argent de Cicéron Fanfan sera certainement un bon fétiche. Je la jette en l'air. Si elle retombe face, je ferai route vers le nord. Si elle me montre le côté pile, je mettrai le cap au sud. Face, c'est décidément vers Saint-Pierre qu'il convient de cheminer. À l'instant même où je reviens sur mes pas, l'augure est confirmé par un fait des moins étranges, mais en lequel je me plais à voir, alors, un mystérieux encouragement. Cette route des mornes, la trace, à l'endroit où j'ai consulté le fatum, surplombe si bien les basses terres que n'apparaît plus à mes yeux le plus petit morceau de plaine. Rien que la mer, toute de saphir lumineux. Or, exactement à la minute où mes regards se reportent sur le bleu des vagues, voici que semble sortir de l'immense muraille de brillante végétation que j'ai sous les yeux, une pointe de mât, puis une vergue, deux mâts, trois mâts, puis toute une coque, la coque de l'Augustine Bourdon, parbleu, la seule surrade qui soit peinte, sous prétexte de gris, d'un mauve presque rosé, reconnaissable à des milles de distance. Le bon voilier prend le large en m'abandonnant. Hurrah ! Hurrah ! Saint-Pierre m'est ouvert à présent. Je vais traverser la ville, la suivre plutôt, dans toute sa longueur, et chercher au nord, toujours au nord, jusqu'à ce que la côte tourne. Je descends allègrement vers la plage par un raccourci, assez long, parcours les trois grandes rues du Mouillage, du Centre et du Fort, aux maisons de bois vieilles ou neuves, simples ou coquettes, mais toujours propres, les unes sans un ornement, les autres garnies de jolis balcons ouvragés. Entrevois la savane de l'évêché, profondément verte et intensément créole, presque Paul et Virginienne, le théâtre et ses cocotiers, la batterie d'Esnoz aux ombres bleues, jusqu'où paraissent monter les reflets des feux bleus de la mer. La Roxelane, dite rivière du fort, son pont de pierre et tout son décor de fond, feuillu et fleuri, le marché du fort, aux manguiers et sabliers géants, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, perché sur un terre-plein, d'où montent, droites, les colonnes blanches et smaragdines et les flèches peinées des palmistes. Je dépasse les dernières maisons de la ville. Maintenant blanchoit l'habitation périnelle, jadis célèbre et toujours jolie avec ses hauts, aériens et grêles palmiers. Je marche encore longtemps. Puis me repose en mangeant la première chose venue dans un cabaret assez primitif et africain d'ornementation. Voici que houlent les panaches d'une forêt de cocotiers, toutes diamantées d'embrun, lancées par les grosses vagues, crêté d'écume, d'une petite anse, béryl, turquoise et mousse d'argent. Une grande villa, comme de lumière blanche, miroite entre les peignes d'or vert et des roses pourpres, qui semblent vouloir ensanglanter son perron neigeux. C'est la maison que j'ai entreaperçue dans l'étoile délicieuse. Je jurerai qu'Irène est bien près de moi, à présent que je vais la voir. Des domestiques de tous les teints connus, depuis le rouge clair normand jusqu'au noir satiné le plus congolais, vont et viennent sous les galeries, sur les marches, sous les verdures qui entourent la villa. Je n'ose interroger personne, mais je suis de plus en plus certain que je suis arrivé à bon port. J'attends longtemps, caché derrière un bosquet d'orangers, haut comme des cèdres, et commence à désespérer de contempler ma princesse ce jour-là, quand ma bonne étoile me met brusquement en présence de Chapitel, l'ancien domestique de Roffieux, devenu, comme il va me le raconter, le valet de chambre du potentat le tellier. « Oh, monsieur Veuly, vous ici, et dans cette tenue de navigateur ?» Et après un échange d'explications, « Sûr alors que Léonard, suite Vasto, n'avait pas tort quand il prétendait que vous en teniez dur pour madame, car il y a du chemin et de la nausée, puis la Seine inférieure jusqu'à ici. Mais s'il est permis à un simple serviteur comme moi, qui suis le vôtre, d'exprimer une manière d'opinion, j'aurai celui de vous dire que vous vous êtes pas ennuyé. Il y avait aussi l'autre madame, celle de monsieur votre cousin, qu'en avait un coup de marteau pour vous. Et sans offense, vous n'avez rien d'une statue, ni d'un cuirassier ou d'un zouave. Elle parlait souvent seule, la dame de monsieur Roffieux, et je lui en ai entendu défiler un chapelet, un soir, qu'il y avait eu du monde et des petits verres. Les personnes parties, elle était restée dans le fumoir, où j'étais venue pour ramasser des cigares qui traînaient, des pas fumés, et aussi des à peine. Elle en racontait, mais elle en revenait toujours à répéter. « Ah, oh, Philippe Veuly, tu m'aimes pas, après que je me serais scarifiée pour toi ?» Eh bien, je t'abandonne aux exploitations de cette canaille d'Elzéar. Tu m'as aimé pourtant, puisque tu t'es esbigné une nuit de ton vasto pour me déshonorer de tes amours saladiques et que t'as réintégré ta boîte après ça. Elle s'exprimait mieux que moi, vous pensez. J'arrange ça comme je peux. Il y avait des mots d'officier. Chapitel sait fort bien que lui-même ignore peu de mots d'officier. Moroun, qui ne bronchait plus depuis la scène qu'il m'avait faite la veille de notre arrivée aux Antilles, se met à ricaner. Bien entendu, ce rire ne sonne pas, mais il me secoue plus atrocement les nerfs que les éclats de grossières gaietés de cent alcooliques assemblés. Et pendant que Chapelle continue à m'entretenir des sentiments de la distinguée Raoula, le Koukrien se confesse. « Ah, je ne t'en ai rien dit, mais tu aurais pu t'en apercevoir si tu avais consulté mes souvenirs. Et tu ne regardes jamais en toi-même. Mon vieux, ce que c'était délirant de cocasserie. Tu connais le sourire, exaspérant de prétention, de l'épouse Roffieux. Eh bien, tu sais, cette chose que l'on ne voit guère que dans ces cas-là, quand on la voit. Oui. Eh bien, la chose avait presque, il s'esclaffe, le même sourire, où je me le suis imaginé. C'était tordant. Quel affreux dégoût, infect, répugnant de criant. Que n'as-tu un corps que je puisse tenailler, lacérer, mettre en charpie, en bouillie? Mais il importe que l'expression horrifiée, sauvage et féroce de ma physionomie ne mettent pas en fuite le bienveillant Chapitel. J'ai des renseignements plus importants à lui demander. Je me calme par un terrible effort de volonté et interromps sans brutalité sa conférence sur Raoula en le priant de me donner des nouvelles d'Irène. Elle est bien mieux. Il n'y a plus ça de folie, plus ça. Et c'est elle qui domine son mari à l'heure qu'il est. Au commencement, il lui fichait des beignes, il l'appelait d'un tas de vilains noms et lui envoyait des objets à la tête. Qu'elle en a une marque ou deux. Mais maintenant, il y a une vieille négresse un peu sorcière qui prétend qu'elle lui a donné un filtre pour avoir le dessus avec monsieur. Oh, il est vraiment gentil à présent avec elle, qui fait ses efforts pour lui cacher et que, sans lui en vouloir, car elle n'est pas méchante, elle aimerait bien le voir plus loin. Il en maigrit. Je vois que je n'obtiendrai plus que des ragots imbéciles, et coupe encore une fois la parole à l'officieux de l'omnipotent satrape. Et sort-elle parfois dans l'après-midi? Certes, et elle ne va pas tarder. Vers cette heure-ci, quand la brise donne comme tout de suite, elle va faire un tour jusqu'à l'autre bout de Foncoré, vers Saint-Pierre, sous les cocos et les manguiers. Je me délivre de Chapitel en lui affirmant que je dois retourner à bord avant la nuit, que j'ai eu des malheurs, détails hélas trop vrais, et que j'émigre. Voyons, où pourrais-je bien émigrer? Tiens, au Venezuela, où l'on vient de découvrir des mines d'or dans la province de Guarico. Puis je fais un grand tour et vais me poster de l'autre côté de la villa, dans une étroite sente où la haute, l'épaisse feuillet tropicale, blutant la splendide averse de flammes blondes, la transforme en vert crépuscule. On ne me surprendra pas. Ne doivent se faufiler dans ces enchevêtrements de lianes que de bons vagabonds noirs, chasseurs de tourterelles sauvages ou des immigrés hindous, coupeurs de choux palmistes. Et je puis parfaitement surveiller les abords de la belle case blanche, lumineuse. Des heures ou des minutes incroyablement longues s'écoulent. Enfin, une femme que je reconnais et ne reconnais pas. J'étouffe un peu. Mon cœur bat à grands coups sourds qui me secoue, qui me brise. Une femme vêtue de mousseline rose pâle descend les marches du perron. Personne ne l'accompagne. Est-ce elle? Je ne sais plus. Oui, c'est elle. Mais qu'y a-t-il en elle qui me déroute ainsi? Elle est sur le chemin qui longe la mer. Elle s'avance de mon côté. Elle s'approche. À 5 pas de la sente, elle s'arrête et demeure là un long moment, comme attirée et repoussée par l'allée sombre au large feuillage retombant. Je la vois en pleine lumière et la regarde avidement. Oui, avidement. Si je ne redoutais de paraître grotesque, j'écrirais que mes yeux ont faim et soif d'elle. Mais qu'y a-t-il, mon Dieu? De loin, après une courte hésitation, je l'ai reconnue. À la contempler de si près, je n'éprouve plus du tout la joie immense que j'espérais, que je craignais, cette joie dont l'attente me causait une douloureuse, une exquise peur. C'est Irène et ce n'est plus Irène. Serais-je un misérable assez brutalement insensible pour l'aimer moins parce qu'il est évident qu'elle a souffert et beaucoup souffert? Elle est toujours belle, mais autrement qu'à l'époque où elle est entrée en moi, non comme un coup de couteau, selon l'expression du dieu Baudelaire, mais comme un suave et puissant parfum qui a envahi tout mon être. La nuit magique de ses yeux est aussi sombrement resplendissante que par le passé. Si son teint a pâli, s'est en quelque sorte un peu éteint, il a pris des délicatesses, une douceur de pétale mourant. Son visage a la fine et chaude couleur d'une rose thé qui se velouterait d'un presque imperceptible pollen d'or. Sa bouche, aux cruels et adorables arcs roses, est toujours aussi fraîche. tous ses traits ont gardé leur pureté. Je les revois pareils à ce qu'ils furent naguère, y a-t-il plus ou moins d'un an? Oui, pareil, mais pourquoi leur harmonie d'ensemble est-elle différente? Il n'y a en elle aucun changement très marqué, pourtant ce n'est plus la même femme. Bien que sa beauté ne présente rien de morbide, loin de là, Irène semble plus forte, plus énergique. Il y a même dans son œil un éclat de fière volonté que j'ignorais. Bien que cette beauté n'ait rien que d'épanoui, de triomphant, de superbe, un peu dans le sens latin du mot, je ne puis m'empêcher de sentir, au fond de moi-même, qu'elle a, je le répète, beaucoup souffert, qu'il s'est produit en elle une transformation, à la suite de laquelle son essence intime s'est complètement altérée. Je suis sûre que c'est son ancien reflet que j'ai vu dans l'étoile délicieuse, et non l'actuelle. Elle est toujours charmeuse, mais son charme est autre, moindre par conséquent, pour moi. Je m'imagine que mon amour se modifie, que je ressens pour elle une nouvelle passion. Mais ce n'est plus la passion de jadis, déjà dix, qui m'inondait d'un trouble, bonheur si follement grisant, si exquisement inquiet. Et pourquoi me leurrer? Non, ce n'est plus cette femme-ci que j'aime, mais bien l'Irène de jadis, celle qui a disparu. Oui, c'est une Irène que je dévore, que je bois des yeux, cherchant en elle un rien qui puisse faire renaître la vieille ivresse, la seule réelle, mais ce n'est pas mon Irène. Alors c'est fini. J'aime une femme qui n'existe plus. Je n'aurai même pas l'espoir de la retrouver dans une autre vie, puisque, maintenant, a varié le principe subtil qui émanait d'elle comme le parfum d'une fleur. Elle n'est plus elle, elle ne sera jamais plus elle. Et moi-même, ai-je encore une raison d'être après cela? Ce n'est pas de la douleur que j'éprouve, c'est une sorte de morne indifférence pour tout. Rien ne m'intéressera plus. Oui, c'est fini, et je suis finie aussi. Je me mets à rire si fort qu'Irène, étonnée, oh, nullement apeurée, marche droit au petit sentier, soulève un rideau de lianes et de feuilles retombantes et m'aperçoit. Non, certes, elle ne se ressemble plus. Que reste-t-il de la petite princesse craintive et si divinement femmelette? Oh, pas toujours si femmelette. Sa physionomie devient énergique, presque menaçante. Sa voix, encore douce, mais plus grave qu'autrefois, sonne autoritaire dans le silence des futés. Votre plaisanterie est stupide. Vous avez voulu m'effrayer, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas réussi, je vous sais quand même mauvais gré de la détestable intention. Allez-vous-en et vite, vous m'entendez? Ces paroles allument en moi une insane et furibonde colère immédiatement attisée par Morhone. Malgré mon trouble, je lis. Je suis forcée de lire dans l'âme du coucrien mieux qu'en la mienne propre. Lui aussi est enragé contre cette femme qui se permet de lui apparaître différente d'elle-même, qui ne pourrait plus lui donner exactement les mêmes joies que la nuit de mon emprisonnement dans la cellule. Contre cette femme qui, après cela, nous parle comme à des chiens. Exaspérés, nous nous jetons sur Irène. Je la saisis au coude et la tire violemment dans le fourré. Oh, ce n'est pas que je la veuille à présent. Il me serait moins pénible de me tromper avec une autre qu'avec elle. Non, je ne la veux pas. Mon désir forcené est de la meurtrir, de la punir dans sa chair menteuse. Oui, menteuse, puisqu'elle ne m'illusionne plus de la même façon, de la battre sauvagement, comme l'eût fait une brute de l'âge de pierre, châtiant sa sournoise femelle pour se venger d'une longue trahison. Et, tout en me révoltant contre moi-même, je la frappe, je la supplicie avec des raffinements de férocité. Et arrive ce que je prévoyais obscurément, sans oser me l'avouer. Elle m'a reconnue maintenant, et s'interdit les plaintes pour éviter que l'on se rue à son secours, que l'on m'abatte comme une bête hydrophobe. Oui, à Vasseto, je l'ai honteusement souillée. Aujourd'hui, je la martyrise, abject bourreau que je suis. Mais par le fait du viol perpétré naguère, et qu'elle subit à demi consentante pendant des secondes, je suis devenue en quelque sorte une chose à elle, moi qui croyais m'emparer d'elle, et elle me défend par son silence. Moi, idolâche, je me réjouis de la voir pleurer à grosses larmes, tandis qu'elle serre les mâchoires pour ne pas crier. Je lui tords les poignets, je les mords, je lui enfonce mes ongles dans la gorge. Elle essaie de lutter un peu, mais je lui en ôte toute envie, en lui tenaillant les joues, en lui pétrissant les seins, en fourrageant ailleurs les griffes en avant. Oh, quelle douloureuse jouissance me causent ces gémissements étouffés! Combien je souffre de ces souffrances, mais que c'est atrocement bon. Ah, je vais prendre mon couteau, l'entailler, la saigner un peu, pas trop. Je ne tiens pas à la tuer si vite. Je veux faire durer le plaisir. Et je pleure autant qu'elle. Oh, cette délectable torture de l'affreuse pitié vaincue. Je pleure, mais j'exulte. Irène a vu la lame briller. Ses yeux expriment une terreur infinie et, tout à coup, tant de douceur suppliante. Mais redevient-elle folle? Voici qu'elle me passe un bras autour du cou et m'écrase, me brûle les lèvres. De quel baiser? Ah, je comprends. La drôlesse veut se sauver en se prostituant. Elle aimait mieux mes violences de là-bas. C'était plus gai. Et je lui mords la bouche jusqu'au sang. Mais brusquement tombe ma frénésie. Une vraie, une délirante pitié s'empare de moi, me bouleverse, me navre d'une peine si aiguë que j'en hurle presque. Car le néfaste Kmohoun, le glaçant fantôme évocateur de l'astre rouge, du lointain globe de Sani, vient de s'élancer hors de moi, de me délivrer de sa présence à jamais, a-t-il grondé? Je crois l'avoir, cette fois, matériellement entendu. Part-il heureux de m'avoir conduit où il devait me conduire, à l'infamie des infamies? Ou l'ai-je horrifié par ce crime sans nom qu'il a voulu et que je viens de connaître, en rendant morsure haineuse pour baiser, forfait peut-être sans exemple dans l'histoire des mondes?